Êtes-vous prêts pour un podcast? Yeah! Excellent, vous allez en avoir trois. Et on commence avec le premier. Doom, c'est sûr que ça marche? Oh yes, c'est clean and clear. Parce que si ça fonctionne pas, vous allez être les seuls à l'entendre. Un problème, nous avons un podcast! Hourra! Oh oui! Enfin! En feu! Enfin, en feu! Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Farouchi en compagnie de le Louis Courchesne. Salut Fred! Salut le Louis! Ça va bien? Ça va bien toi? Ah, ça va super bien. Mathieu Bouillon. Bonsoir! Salut Mathieu! Salut! Et notre invité cette semaine, notre panéliste invité, nul autre que Nadine Mathurin. Bonsoir. On l'accueille. Bonsoir, merci. Bel accueil. Tout le monde la connaît. Nadine Mathurin, gestionnaire de communauté à Radio-Canada, entre autres, et aussi animatrice formatrice à Saint-Donat de 2001 à 2008. C'est ça? Il y a accès à mon Facebook. Non, LinkedIn. Alors, je me suis gardé une petite gêne. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Pas de problème, qui se joindraient à nous après 177 balados, et allez écouter les autres. Non, je vais vous expliquer c'est quoi Pas de problème, c'est là où les problèmes se cachent pour mourir. Oh! Oui, c'est beau, hein? Oui, j'adore, oui. Le concept est simple, vous nous proposez un problème par les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et les autres, ou par courriel, pasdeproblème@gmail.com. Et ensuite, nous, on l'enterre sous une montagne de solutions plus ou moins adéquates. Donc, le problème de cette semaine est un problème palpitant. Épineux, je dirais même. Un problème que plusieurs personnes ont, je pense, qui nous écoutent présentement. C'est un problème actuel. Mais non, on va régler ça, là. Mais c'est un problème. Ce qui est le fun aussi de ce problème-là, c'est que la personne qui l'a proposé est dans la salle. Oh mon Dieu! Oh. Alors, j'inviterai Jean-Benoît à venir nous dire son problème au micro. Salut Jean-Benoît, ça va? Bonjour! Alors, Jean-Benoît de Réalité Augmentée? Non, oui. Oui, un balabros, comme on les appelle. On fait le fils la poignée de main secrète. Wow! Oui, c'est la même qu'Obama puis sa femme. Oui. Alors, Jean-Benoît, peux-tu nous exposer ton problème? Ben en fait, mon problème, c'est une question d'attention. Quand j'écoute des films, la télévision, je suis tout le temps en train de décrocher, j'analyse trop. Donc, je veux mettre mon cerveau à off, ce que j'arrive pas à faire assez à mon goût. OK. Donc, je sais que tu nous envoyais plus de détails dans ton problème, comme l'avènement des touivages aussi. Exactement. Ça, c'est surtout les games canadiens, des affaires comme ça, là, des films, quand on sait que tout le monde écoute la même affaire, on tweet en même temps. Ça, c'est... on analyse un petit peu trop, hein. Tu nous écrivais aussi que tu cherchais des one-liners pour faire des blagues par la suite? 140 caractères, c'est ma devise. OK, c'est ça. Accro au tweet? Un peu. Mais ça, c'est un autre problème. Oui, mais si vous réglez une partie du problème, ça va déjà être un début, tu sais. Donc, on a un gazouilleur averti. Oh. Merci. Tu t'arrives d'où, juste de même, là, pour dire ça à nos auditeurs? De Lac-et-Chemin, où je réside actuellement. Donc, 400 quelques kilomètres. Vacances, tout ça. Là, ouais. C'est un quartier de Montréal. Non! C'est dans le coin de la Beauce. Exactement, oui. Oh. Il me l'avait dit avant. Là, le Lac-et-Chemin. Ah, oui. Alors, merci d'être là. T'es prêt pour une game de Jeopardy. Oui, c'est ça. Alors, on salue les 49 habitants de Lac-et-Chemin. Oui. 48, parce qu'on en a un ici. Oh, oui, c'est vrai. C'est ça. Ouais. 47, parce qu'il y en a un qui est décédé, je crois. Oui. Oh. Écoutez, chers amis, j'ai eu le mandat de faire une recherche exhaustive sur le touivage. Oui. Ah. Oui. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire, le mot touivage viendrait de clavardage, de Twitter et de TV. Hein, vous remarquerez, si on mélange toutes ces lettres, t'es en feu, Mathieu. Ça fait touivage. Moi, je pensais que ça tirait sa racine de cleavage, mettons, là, comme le oui, présenter ses attributs. De le façon, cleavage, ouais. Oui, ça, c'est un mais autre anagramme. Mais je tiens juste à dire que tout le monde sait dans le milieu que c'est vraiment laid comme mot. Là. Le touivage? Oui, est-ce qu'il y a un mot en anglais? Non. Non? Je pense qu'il est entre ça et gazouillator. Fait que je pense que c'est mieux touivage. Ma recherche m'a poussé jusqu'à l'Antiquité. Hein. Ça serait là que les premiers touivages auraient eu lieu. En fait, c'est pendant les spectacles de gladiateurs, les gens parlaient dans la salle. Hein. Ouais. Donc, les termes hashtag tunique efféminée, hashtag tigre géant et hashtag hostie de chrétien sale étaient monnaie courante au Colisée de Rome. Voilà. Mais étonnamment, hashtag tigre géant existe encore. Oui, c'est un commerce de linge cheap. Voilà. Bien vu, Frédéric. Ouais. Hein? Toi aussi, un gazouilleux averti. Ouais. Maintenant, mais il n'y a pas que le twivage qui peut nous distraire. Il y a aussi les erreurs de continuité. Hein? Ça, est-ce que vous savez c'est quoi des erreurs de continuité? Ben, tu vas nous le dire. Des erreurs dans les films? Oui, exactement. Oh, c'est quand, mettons, on change de plan et que tout a changé. Mettons, le bras n'est plus à la même place. Bernie a ressuscité. Un problème de raccord. Oui, communément appelé raccord. De raccord. Ouais. Et moi, j'ai remarqué que dans la pornographie, il y a énormément de problèmes de raccord. Moi, le dernier film de porn que j'ai vu, dans le fond, il y avait une diseuse de Bonne Aventure. Quand on a changé de plan, elle n'avait plus de linge. Puis quand on a rechangé de plan, il y avait une autre diseuse de Bonne Aventure. Donc là, il y a une script qui n'a pas fait sa job à quelque part, je pense. As-tu tweeté pendant ce temps-là? Je n'ai pas de Twitter, malheureusement. Donc, oui, je ne l'utilise pas. Donc, c'est ce qui conclut ma recherche ultra exhaustive sur le sujet du twivage. Mais ça tombe bien qu'on a Nadine Mathurin pour compléter ta recherche, parce que tu es un peu à la base de... De Twitter. De tout ça, là. Non, mais si Twitter existe, c'est grâce à toi. Oui, quand même. Nous étions très peu au début à tweeter tout le monde ensemble. En fait, je pense qu'on était une vingtaine quand on a commencé, donc on a dû passer la bonne nouvelle. Là, c'est ça. Je suis comme la messie de Twitter. T'es comme une twipster, en fait. Oui, ouais. C'est un jeu de mots, merci ça. Beaucoup, hein? C'est un jeu de mots. C'est gentil. Il n'y a que ça ici. J'en ai la pas de problème. Ça sent bien. Ça ouais, ça OK, bien. Bon. Je vais devoir m'y faire. Mais non, mais je veux dire, t'as quand même quelques succès. T'as quand même... Non? T'as pas... Oui, probablement. Oui. Tu travailles là-dedans, tout ça. Oui. Tu veux, toi, que des gars comme Jean-Benoît... Tweet. Et, bien sûr. Mais en même temps, t'es la source de son problème. Je voulais... Ben, écoute, là, regarde, c'est parce que l'affaire, c'est je travaille aussi pour une chaîne de télé, on l'a dit tantôt, donc si tu ne regardes plus les émissions de télé, il y a un problème aussi, là. Ils produisent du contenu pour toi, là. C'est ça. Et pourtant, toi, de plus en plus... Juste toi, là. Ben eux autres, peut-être, mais toi, quand t'es dans ton salon, tu sais, fait qu'il faut peut-être régler le problème. Ah, donc, si toi, t'as créé ce problème-là pour Jean-Benoît, c'est parce que les téléspectateurs ont créé le problème de ne plus être au rendez-vous, c'est ça? Écoute... C'est l'œuf ou la poule? Oui, ben là, tu nous amènes ailleurs, peut-être. OK, j'arrête. Non, mais il reste que, étant une experte dans le domaine, je pense que tu as des solutions à nous proposer aussi. Oui, j'en ai quelques-unes. On va pouvoir commencer par... Mais dans le fond, tu sais, qui dit twivage, là, dit le phénomène du double écran. Et qui dit double écran, dit nécessairement problème de riche. Donc, je pense que tu pourrais vendre ton esti d'iPad pour commencer, si tu te déranges tant que ça. Tu sais, il y a personne qui te force à en avoir un. Ah ouais. Surtout à la Ketchumin, c'est le seul. Ça doit être le seul. Mais dans le fond, c'est comme dans les années 50, tout le monde se rassemble dans ton salon pour être... derrière toi, avec l'iPad puis la télé. Fait que là, je comprends si t'as de la misère à écouter la télévision en même temps. Je pense que c'est l'iPad de la bibliothèque de la ville qui a emprunté. Oui. Ouais. Avec souvent, il y a une génisse qui l'emprunte souvent. Mais à ce moment-là, peut-être que tu peux regarder tes émissions de télé plus facilement. Ouais. Mais en même temps, les animateurs de plus en plus nous invitent à tweeter pendant les émissions. Oui. Disent, hey, venez tweeter avec nous pendant l'émission. Souvent, les animateurs sont forcés à se trouver un compte, s'ouvrir un compte Twitter pour tweeter parce que on leur dit, hey, les gens veulent tweeter. On les force d'une façon écœurante, Fred. On leur donne un salaire. C'est incroyable. Vous êtes au courant terrible. Maintenant. Mais comme à l'époque, dans le temps de les tannants, ils étaient obligés de se prendre un numéro de téléphone pour parler aux spectateurs. Oui. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Même chose. Dieu sait que Shirley Theroux est Twitter à fond. Twitter. Mais moi, je pense qu'il y a des pistes à scruter, hein? Comme mm-hmm. Le choix de film, de ce que tu regardes. Ouais. Je sais pas, la télé-réalité, on est déjà décroché, donc ça fait appel à être... distrait. Distrait. Y a des documentaires aussi qu'on fait... j'essaie d'embarquer, mais d'embarquer dans quoi? Tu sais, c'est plate, un documentaire. C'est ça. Non, mais il y a des... Non, c'est ça. Personne ne peut embarquer là-dedans. Non. Là, c'est... Ouais. Attends, il y en a deux, bon. mais moi, je pense qu'une des directions à prendre serait de s'exercer à se laisser porter. Tu comprends? Genre, faire les montagnes russes ou... sans tweeter. Non, sans tweeter, c'est ça. Ouais. C'est tentant de tweeter pendant une montagne. Observer un bébé très longtemps. Tu sais, si... Si tu décroches pas de ça, là, je pense que t'as un petit pot fait, puis là, tu peux peut-être réessayer la télé ou un film. Mais c'est fourrant, Fred, parce que le bébé gazouille, lui aussi. Oh my God! Ta-ta-ta! Fourrant. Trou d'un coup. Trou d'un coup, voilà. Non, mais moi, je pense que peut-être que t'écoutes des trucs un peu trop prenants émotivement. Peut-être au lieu de pleurer là, sur le dernier candidat de la voix qui se présente, puis après 30 secondes, il explique qu'il a été battu dans sa jeunesse. Puis, dans le fond, tu devrais peut-être écouter des trucs qui se tweetent moins bien. Là, genre, des choses qui sont moins écoutées, parce qu'on le dit dans le problème. Le fait est que les gens l'écoutent en même temps, fait qu'on est tenté à vouloir c'est partager ça. Avec ces gens-là. Peut-être des émissions que personne n'écoute. La Semaine verte, Rire et délire. Oh! Il y a très peu de tweets, hashtag Semaine verte. Non, il y en a très, très peu. Ouais, on a même tenté l'expérience, puis ça n'a pas marché. Dans le fond, en même temps, tu pourrais tweeter aussi sur une émission là, tu sais, avec une crowd un petit peu plus âgée, la poule aux œufs d'or. Oui. Juste hashtag l'enveloppe. Tu peux essayer de tweeter là, oh my God, l'œuf ou l'enveloppe, je serais jamais capable de choisir lol. Mais moi, j'ai jamais vu personne tweeter ça. Fait que tu serais le seul, puis c'est un peu plate de tweeter tout seul ton show de TV, tu sais. Par contre, et je crois pas me tromper, je pense que le jour du Seigneur, lui, enflamme la blogosphère. Écoute, à chaque dimanche. Ouais. La tweet. Oui, c'est Dieu est partout. Dieu voilà. est partout, effectivement. Moi, je pense aussi une possibilité de ce serait de retirer les autres sens. Hein? Non, mais je veux dire, tu regardes, tu sais, je sais pas s'il y a c'est ça dans ton... C'est une solution qui coûte cher un peu pour le corps. Là, non, mais je sais... Non, mais je dis... Non, attends, là, je parle pas de se enlever les membres puis l'odorat et le goût, là. Ah. Moi, je parle juste de, je sais pas... S'il y a ça chez vous, mais à l'ovarium, si tu écoutes ton film dans un bain flottant, là, tu es dépourvu de tout. Tu m'as halluciné. Oui. Là, tu décroches un peu de ton film quand même. Ah, je sais pas. Faudrait l'essayer. Faudrait l'essayer. Quelqu'un l'a essayé? Parfait. Ah, ouais. OK. Oui. Tu essayer, tu veux dire, passer souvent dans la seconde 1 où ça se passe. Oui, je l'ai essayé de nombreuses fois. Dans la seconde 1? Oui. Wow. C'est ça une autre référence? De lancer compte. De lancer compte. Pour une fois, c'est pas une référence des Simpsons. Mais oui, c'est ça. Exact. Voilà. Comme le gun à maquillage. Ouais, le gun à maquillage. Mais donc, ne pas être distrait. Avez-vous d'autres trucs pour ne pas être distrait? Ben, en fait, regarder la télé avec d'autres personnes. Là, les gens trouvent ça tout le temps insultant quand tu regardes un autre écran. Fait que dans le fond, tout le monde va vouloir participer puis regarder la même chose. Fait que je pense que ça va être... Parce qu'on va se dire, hein, tweeter, texter, c'est comme péter. Il faut que tu le fasses discrètement. Oui, c'est ça. Tweeter ou perdre des amis, pose-toi la question. D'une certaine façon, ce qui arrive aussi, c'est qu'un plaisir qui n'est pas partagé n'est pas un plaisir complet. Fait que c'est pour ça qu'on se dit, ben, on veut le partager en tweetant. Tout ça. Si on est avec une autre personne, ben, c'est plus simple de le partager côte à côte. C'est, vrai. Ouais. Mmh. Mais, c'est beau, ça. En se réveillant, tu veux regarder quelque chose, là, t'es trop, tu te réveilles, bang! Tu pars le film, tu le regardes, tu sais pas t'es où. T'sais, juste dans cette confusion matinale ou de nuit, t'sais, tu mets ton réveil à 2h du matin, et là, tu te réveilles, puis tu regardes ça, puis tu gobles vraiment. Fait que tu seras pas assez allumé pour être distrait, c'est ça? C'est ça. OK. Tu vas être... Ben... Ouais. Tu vas boire de l'alcool. Ouais. Boire de l'alcool, on veut boire joints. De l'alcool. J'avais une solution comme ça qui est un peu dommageable, mais quand même, pensez à prendre de la drogue, des drogues dures, des choses comme ça. Ça t'aide à, des fois, certainement, focusser sur un... Mais les enfants à l'école, on leur donne du Ritalin, c'est pas exactement. Pour rien, c'est parce que ça fonctionne. C'est la meilleure façon de garder quelqu'un assis sur une chaise avec le regard fixe depuis 68. Des drogues dures. Wow! C'est souvent une de mes solutions, mais la lobotomie, hein? Petit pic à glace dans l'œil, shake un peu... Instant lobotomy. Les yeux ouverts. Oui, oui, du béviorisme, là, donc. Mais là, ça te coûte un préposé aux gouttes d'eau, aux gouttes pour les yeux. Ouais. Mais si t'es pas attaché, tu peux le faire toi-même. Là. T'es pas paresseux. Ouais. C'est vrai. Ben c'est oui, non, non. C'est vrai, c'est vrai. Mais écoutez ces émissions en différé aussi, là. Dans le fond, ça marche. Tu veux pas... Non, mais c'est ça. Le monde va te trouver louche là, d'être 47 heures en retard puis de commenter le plan séquence de Pods avec des tweets comme « Oh my God, le petit vient d'en tuer une autre. Faudrait que Béroff l'attrape, lol. » Ça, c'est vrai, là. Ouais. T'es allé repiger ça dans... Mais on pourrait reculer encore... Il y a du monde qui tweet sur n'importe quoi. Ouais. Mais on pourrait reculer encore plus loin, le dire « Je ne peux pas croire qu'Émilie Bordelot vienne mettre la tête à Joachim Crête dans le sillot de pisse. » Hashtag Jessica Barker malpropre, mettons. On peut reculer très loin. Ouais, là. WTF, ils ont enlevé l'Indien. Oui. Bon, ça va être trop c'est loin, plus, trop loin, oui, trop oui, loin. Oui. Moi, j'avais une solution qui est peut-être une solution pas super le fun à dire, là, mais parce que moi aussi, c'est un problème que j'ai. Je ne fais pas de tweet tant que ça, mais quand j'écoute beaucoup de télévision, de cinéma sur Internet, sur mon ordinateur, sur Internet finalement. Pirate. Il y a d'autres, pas pirate, là, c'est pirate. Super légal. Puis, j'ai d'autres fenêtres d'ouverture. Louis Courchaine, tu pirates? Oui. Non. Il y a d'autres fenêtres qui sont ouvertes, on est tenté d'aller voir ailleurs ça. Mais c'est peut-être aussi d'accepter que c'est rendu ça, la nouvelle tendance, puisque c'est là qu'il faut mettre des efforts. Peut-être que la culture est juste morte, puis que c'est rendu des réseaux sociaux. Peut-être que c'est donc, ça qui... Donc, une solution, accepter son sort, puis de se laisser mourir tranquillement. Je pense que c'est une solution intéressante. C'est dommageable aussi, là, mais quand même. Reste que c'est hyper constructif. Ben, c'est hyper constructif. Ouais, ouais. Parce que peut-être que la société de demain va se bâtir sur des tweets, pas sur hot dog, mettons. Là, ouais. Non, faudrait pas. Ça, faudrait pas. Non. Mais tu sais, il y a sur Twitter, il y a des personnages de fiction, des fois, comme Mad Men. Je sais qu'il y a les personnages tweets. Ouais. Mad Men, c'est un documentaire. Oui, c'est ça. Et. Non, mais tu sais, si tu suis les personnages de la série que t'écoutes, pis là, tu suis juste eux autres. Pis là, ils tweetent des affaires comme « Hey, je me sentais pas bien à ce moment-là. » Ou je sais pas, tu sais, donc t'as comme un input secondaire. Tu pourrais aussi utiliser ton deuxième écran comme premier écran. Fait que tu vas voir que c'est tough en crise de tweeter avec une manette de TV. Ben, vidéo, mettons, là, c'est... tu vas voir que tu vas avoir de la misère. Carte. Ou reste. Si tu remplaces aussi, mettons, comme ton téléphone, ton ordinateur, par un fax, déjà, tu tweets moins, j'imagine. Oui, tu tweets vraiment parce moins. Parce que là, faut que... Non, tu dors plus. On a des solutions au fond, faut les crier, hein? Oui, il faudrait que tu ailles sur le Twitter chinois. Quand même si tu tweets, personne ne te comprend. Même si tu tweets, ils vont censurer aussi. Ah oui! Se faire censurer par les Chinois. Pas de liberté d'expression, pas de problème. Exactement. C'était notre premier slogan. Ah. Pas de liberté. Mais on l'a laissé tomber. C'était moins ça. Mais une de mes solutions serait de se permettre de parler fort. C'est gossant pour les autres, mais tu sais. Moi, j'ai un de mes amis, on allait voir des films chez lui, puis sa mère venait regarder les films avec nous, puis elle parlait fort. Tu sais, comme ah, il a un couteau. Ah, ben oui, il va le tuer. Ah ouais, là, t'es dedans, là, 100% parce qu'il y a quelqu'un qui te rappelle toujours c'est quoi le film que tu regardes. Donc, j'adore. Tu peux être cette personne-là. Oui. Mettre le track de commentaires audio pour avoir les acteurs qui te parlent de à quoi ils pensaient pendant la scène. Le DVD avec, les commentaires audio. Ouais. Peut-être essayer des choses qui fonctionnent avec les autres addictions, mettons, comme, je sais pas, l'acupuncture, les patchs, la méthadone, tu sais. Ça, c'est une solution comme une autre. Ouais. L'hypnose. Ben L'hypnose. Ouais. On peut juste se décourager aussi, là, dans le fond, à tweeter, tout simplement. Parce que je pense que ta volonté à tweeter, tout ce que tu penses est inversement proportionnel à ta pertinence. Oh! Donc, c'est la formule Anne-Marie Wittenshaw, ça, je pense. Hein? Je vais m'abstenir de répondre à cela. Mais pourquoi tu t'abstiens? McConnell? Non. Mais dans le fond, faut juste comprendre. Que c'est pas nécessaire. Puis peut-être ta mère est contente, mais anyway, elle te lit pas parce qu'elle est pas sur Twitter, tu sais. Fait écœure pas le monde avec ça. En effet. En effet. Partir une campagne, tweeter, c'est pas cool. Non, mais genre, toi, t'as le droit, lui, peut-être moins, c'est tout. Mais on peut aussi inciter les gens à tweeter sur LinkedIn. Tweeter sur LinkedIn, c'est... Non. C'est genre dire, mettons, je suis enseignant, comme le personnage de Virginie, mettons. Ouais. Okay. C'est pas exactement. Fou, c'est pas fou. Ouais. Mais il peut le faire sur Google Plus aussi, puis il n'y aura pas plus de réponses. Attends, ouais. Il va parler avec des employés de Google. C'est... Oui, mais c'est déjà... Il y a déjà... Ils sont plusieurs, là. Ils sont plusieurs, là. Changer l'interface à tous les jours, là. Ouais, ouais, ouais. Mais en gros, là, c'est juste que quand on décide de s'investir dans une émission, ben faut y aller à fond, t'sais, oublie ça, le manger, les chips, tout ça, tu sais. Tu peux te coller devant ton écran, là, puis fermer ton ordinateur, tu sais, puis t'investir dans ce que tu écoutes, tu sais. Moi, je pense que c'est une leçon de vie. Ou accepter que c'est pas grave de pas être investi. T'sais, moi, j'avais une prof en littérature qui me disait « Tu peux commencer un roman, puis pas le finir, puis lire la fin. » Quoi? Ouais. T'as le droit c'est de pas... Folle, ben, c'était oui, c'était une folle, mais c'était pour autre chose que ta folle. T'as connais. Mais ça se peut aussi d'être, d'être à plusieurs endroits en même temps, puis d'accepter ça. Ben oui, parce que dans le fond, regarde, t'es pas en train de piloter une navette spatiale, tu conduis pas un autobus de nouveau-né. À moins que t'es en train de piloter une navette spatiale. Ça, c'est une autre affaire. Tu tweet pas. Ben écoute pas un film non plus. Non, c'est ça. Tu pilotes ta navette, puis chiole pas. Non, mais de toute façon, tout ce qu'on te demande, c'est de te souvenir le lendemain au bureau pour en parler à tes amis puis à tes collègues de travail. Qu'est-ce que t'as écouté la veille? Je pense que c'est raisonnable. Si tu n'étais pas toute là. Ouais. Ouais. Excuse-moi, je n'étais pas toute là. Je pense que j'ai une solution. Oui? Je ne sais pas si c'est bonne, mais peut-être prendre toi-même, tweaker ou trouver quelqu'un qui peut tweaker la Game Boy 3D de Nintendo, qui était un franc succès. Oui. Où on se pluguait une gogosse devant, dans les yeux, en rouge et noir. Et mettre tes émissions là-dessus et les regarder en rouge et noir, mais vraiment, tu sais, mais c'était fermé, là, tu pouvais rien voir d'autre. 50% plus d'épilepsie. Oui, c'est ça. Ben, c'est un problème d'épilepsie, mais là, c'est un autre problème. Hein. Moi, je tu sais. Mais c'est ça, en attendant les Google Glass. Ouais. On peut les attendre longtemps. Quoi qu'ils travaillent bien fort parce qu'ils vont pouvoir peut-être nous répondre sur Google Plus. C'est très possible. Ouais. C'est très possible. Les Google Glass, c'est quoi? C'est une glace qui est faite par Google? C'est ça. Il y a citron, vanille. OK. Wow. J'ai quand hâte de goûter à ça. Tu penses à une question à fond, puis tu as la réponse. OK. C'est super le fun. J'adore ça. Ouais. J'adore ça. Ben écoute, on s'entend que c'est un peu un non-problème, ton affaire. Oui, oui. De toute façon, ça s'appelle du multitasking. C'est full 2013, puis les femmes... Ils ont ça depuis des millénaires. Fait que Wow. Je m'excuse, ça va à l'encontre de notre podcast en ce moment. Le gars, il a un problème. Hey, on a abordé des problèmes un peu plus olé-olé que ça. Hein? Je pense à la collègue qui sentait de la noune. Oui. Non, mais... Oui, on l'a fait. Il y a quatre ou cinq podcasts. Ouais, c'est ça. On était gênés, mais on l'a fait. Mais je pense à pas de bébé. Hein? Des petits pas. Tu lis un petit livre. Après ça, tu vas voir une pièce dans une école primaire. Puis après, tu t'augmentes peu à peu là, plus de, en longueur, plus en profondeur. Puis tu rajoutes une couche, puis à la fin, tu te rends à Inception. Ou Guerre et paix, le roman. Oui, c'est ça. Si t'es capable de lire ça sans tweeter, ben mission accomplie. Qui est là présentement dans la salle, on le salue d'ailleurs. Oui. Dostoïevski. Ben oui, il est là pour de vrai. C'est ce que je te dis. Wow! OK, wow! Yeah. Incroyable, incroyable. Hey, le roman est mais là. Comme c'est un barman, ouais. Attends, on sait que ça sert de souvent. Hey, je vais tweeter ça. Tweet ça. Mais on va aller voir... C'est parce qu'on est beaucoup dans une culture de zapping. Peut-être aussi de se limiter à un truc à écouter par semaine. Des trucs comme ça, c'est parce qu'on zappe beaucoup. Fait que peut-être de réduire ses champs de possibilités. Ou regarder ses films au cinéma. Juste aller au cinéma. Mais oui, tu déranges tout le temps le monde avec ta lumière de téléphone ou d'iPad. Puis on s'entend, si tu vas au cinéma beau bien, ben tu mets vraiment en jeu la luminosité de l'écran. Oui. Parce qu'on sait... C'est une coupe de chandelle en arrière. Oui, exactement. Ouais. La chandelle qui fait office du projecteur en arrache au cinéma beau bien. Fait que tu pourrais commencer en faisant des petites... Ou peut-être inventer un film interactif où tu dois tweeter. Peut-être que tu as une solution en toi. Tu vas être le prochain entrepreneur de demain. Et opportunité. Crise d'opportunité. On avance dans tout ça. Fait que là, tu vas te dire, bon, ben, y a un film qui existe. Il faut que tu tweetes en l'écoutant. Sinon, il arrête de quoi? Là, tu meurs. La voûte. Excuse-moi, mais tu sais, aller faire ton salon dans une voûte pas de signal, rien. Peut-être la voûte de la banque de chez vous. Écoutez les films dans le métro. Là, Moi, j'allais juste faire du chemin. Je pense que des films qui existent déjà, qui sont faits pour tweeter, je pense à Tweetanic. Et When Harry Met... Non, celle-là, ça marche moins. Non, continue. OK, Sal Tweet. Sal Tweet. When Harry Met Sal Tweet. Ouais, ça marche. De Norai Front. Je vais faire comme si je ne l'avais pas entendu. Quand on est rendu à ce jeu de mots-là de Mathieu, ça veut dire que c'est le temps de trouver notre solution préférée. Nadine, toi, est-ce qu'il y a une solution préférée parmi tout ça? Parmi toutes celles qu'on a. Mais moi, je pense, en fait, je vais y aller avec vraiment le dernier qu'on a nommé, mais la voûte. Tu te mets dans un endroit. D'ailleurs, je suis vraiment surprise que tu pognes Internet chez vous. Il reviendra plus. Je pense que c'est vraiment le. T'as pas Internet, fait que t'es pas dérangé. T'as le câble, parce que c'est rendu là. Puis l'affaire que t'apprends, c'est que ça fait 27 heures en ligne que t'écoutes la TV. Tu t'es jamais levé pour manger, boire, pisser. Puis tu vas l'avoir, là, ta concentration, ce serait parfait. Oui. Moi, personnellement, je pense qu'on l'a pas abordé, mais de un peu embarquer tous les gens qui t'entourent dans le scénario. Tu sais, mettons que tu regardes Game of Thrones. Games of Thrones, tu demandes aux gens qui t'entourent de se costumer en personnage, de parler avec des répliques de l'émission, puis là, tu t'embarques dans toute ta vie. Tu peux pas t'en sortir. Tu vas être hyper concentré, ça, c'est sûr. Si tu parles de quelque chose de contemporain, ils font « Quoi? » Ah oui, ben oui, parce que t'es pas... Que nenni! C'est ça. Mais toi, pour ma part, la solution proactive de prendre ce problème-là et d'en faire une nouvelle tendance, quelque chose, une façon de faire un film en tweetant, moi, je reste là-dessus. T'es vraiment un gars positif. Très positif. Oui. Wow. Moi, ma solution préférée, c'est jeter ton ordi, tout simplement, puis ou le revendre pour t'acheter des chips. Vous, quand j'écoute un film, je mange une chip, couverte chaude pour se mettre en dessous. Un snuggie, oui. Un snuggie, exact. Voilà. Je peux pas croire. Mais oui, on n'a pas parlé du snuggie. Regarde, toute la solution est là. Ah oui, mais il y a des petites solutions. Même pour les gens qui se rongent les ongles, les petites affaires que tu mets par-dessus tes doigts, tu sais, puis que tu peux pas après ça tweeter. Des dés à coudre. Bonne chance. Attends, j'ai un ami qui émitait des méthanes avec des olives. ses doigts. Il se mettait des olives ses doigts, puis il émitait des méthanes. Fait que, tu sais... Ben juste te couper les bras, finalement, c'est ça. Je le disais! Retirer les autres sens. Ouais. Le sens du bras, là. Le sens du bras. Louis, le goûter, le toucher, le bras. Le sens du toucher avec mes bras. Le sixième sens. Ouais. Exact. Mais Benoît, si tu peux nous offrir ta solution préférée là ou nous revenir sur notre page Facebook, nous tweeter aussi ta solution préférée. D'ailleurs, sur Twitter, on n'a pas eu tant de réponses que ça. C'est étrange parce que c'est un problème de Il y avait trop, ne pas écouter la télé. Ouais, on a eu ça. Je trouvais que c'était comme contourner le problème. J'ai dit de s'en aller. On ne peut pas ne pas écouter la télé. Vous voyez que je suis une bonne gestionnaire de communauté. Va-t'en! Elle gère ça, elle, une communauté. Ouais. C'est ça. Voilà. Mais en as-tu? J'aime beaucoup la voûte, mais dans mon Tipeee, ça ne marche pas. T'as un Tipeee? Mais Walt Disney a une voûte qui ouvre et qui ferme là, à tout bout de champ. Oui. Fait que, c'est celle où il est congelé dedans, c'est ça? Non, c'est tout le temps. Hey, pour un temps limité, oui. Bambi revient. Sinon, il va dans la voûte. Puis, en tout cas, ils font ça chaque deux semaines. Ils gardent Bambi dans une voûte. Ouais. Avec Pinocchio, on sait pas ce qui se passe. Oh. On le sait très bien. Hey. Bon, okay. Mêle la petite sirène là-dedans, là. Ouais. Hey, mais si vous voulez, comme Jean-Benoît, assister aux enregistrements de Pas de problème, on vous invite tous les deuxièmes mardis du mois au bar Les Passages, qu'on remercie en passant. Ben oui, merci Les Passages. Passages. 951 Rachel Est. Et si vous appréciez notre podcast, je vais dire avec podcast. Oui. Je suis mêlé. Si vous appréciez le podcast, pas de problème. Allez voir Monsieur Dress Up, Mr. Dress Up, qui est sur Internet. Il vend des t-shirts, dont le t-shirt que Fred porte présentement. Alors, vous pouvez le voir à la radio. Ouais. Oui. C'est fait. Et puis, c'est ça, c'est en vente sur le site de Mr. Dress Up. Oui, tapez avec vos coudes. Monsieur ouais. Pochop. On tient à remercier les épiceries IGA pour le buffet qu'on avait aujourd'hui. Ah, oui, c'est magnifique. Merci. Aujourd'hui, c'était des cannes de thon. Oui. Wow. Voilà. Et on remercierait la compagnie qui nous envoie des ouvre-cannes. Oui. S'il vous plaît. Pour la semaine prochaine. Voilà. Si jamais vous désirez faire un don, hein, pas de problème, allez sur l'instab.com et cliquez sur le piton PayPal. Et on remercie aussi Nadine Mathurin, qu'on peut suivre sur Twitter, @NadineMathurin. Ouais. Merci, tout le monde. Avec un merci H. Merci l'invitation. Ouais, oui, Mathurin avec un H. Mathurin avec un H. Ouais. Comme la ferme. Du coup, tu ne l'as pas juste bâché, tu as sorti des vraies solutions. Non, non, mais je n'ai pas tout dit non plus. Je me suis gardé une petite gêne. Ah, mais t'en as-tu d'autres? Non, ça va être beau. Bon, Harry, ouais. Avec un rire entre-toi macabéliste. Un agneau dans oui. Le... Oh, mon Dieu. Hey, la semaine prochaine, chers enfants, un problème tout aussi épineux et technologique. Que faire lorsqu'on achète un nom de domaine Internet loufoque? Pour se faire de l'argent. Pour se faire de l'argent. Ouais. Que faire? Merci, baladoquebec.ca. Merci, les Balabros, d'être venus ce soir. Après nos soirées, il y a les soirées broadcast où... les balado-diffuseurs et leurs fans se rencontrent. Donc, j'espère qu'on va en avoir de plus en plus, puis on va pouvoir se rencontrer, puis faire « Hey, c'est de ça qui a l'air. » C'est ce qui explique le fait qu'il y a trois filles dans la salle. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas les balassistes. Et Dominique Hamel, merci. Et Salut. Il va être là dans deux semaines. Et le mot de la fin, hey, ça tente-tu de le dire, Jean-Benoît? Vous avez un problème? Ils ont un podcast. Oh! Yeah! Merci! Merci! Tiens, prends-toi un sticker de trois bières.